Nous saluons chacun de vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Tunalamkia kila mmoja wenu mangaribi ya leo mjini Yesu Kristo. Venons pour la lecture de la parole. Tushimame juu ya kusoma kwa neno ya Mungu. Merci notre Père. Asanti Baba Yetu. Toi un Père miséricordieux. Oui, Baba Warema. Ton amour a été manifesté envers nous depuis l'éternité. Mapendo yako ilionekana kwetu tangia milele. C'est pourquoi tu as abandonné le trône. Njo kwa maana uliacha ezi yako. Tu es descendu pour devenir l'un des nôtres. Ulishuka juu pate kuja mmoja wetu. Tu as porté un corps d'humiliation. Ulibeba mwili ya haya. Pour nous ramener à toi le Seigneur. Juu ya kuturudisha kwako Bwana. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre du calvaire. Tuko na kushukuru kabisa juu ya kazi ya msalaba. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le sang versé. Tuko na kushukuru juu ya damu ilimwangika. Maintenant nous venons à toi Seigneur. Sasa tunakuja kwako Bwana. Dirige nos cœurs. Ongoza maro yetu. Vers les eaux de la vie. Ku maji ya kuzima. Assiste-nous Seigneur. Saidie Bwana. Parce que sans toi nous ne pouvons rien. Du début à la fin sois glorifié. Bénis chaque frère et chaque sœur en particulier. Bénis la parole que nous allons lire. Au nom de Jésus Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Dans Daniel au chapitre 7. Daniel Surakia Saba. Dans son verset 7, nous lisons. Mustari akia saba tukunasoma. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Kisha pale nilikuwa naangalia wakati ya maono yangu ya usiku. Et voici, il y avait un quatrième animal. Na tazama kulikuwa nyama wa ine. Terrible. Wa hatari. Épouvantable. Wa kushangaisha. Et extraordinairement fort. Na wa nguvu kabisa. Il avait de grandes dents de fer. Alikuwa na mameno minene ya byuma. Il mangeait. Alianza kula. Brisait. Kuvunja. Et foulait au pied ce qui restait. Na kufunyanga kumikulu bile bilianza kubakia. Il était différent de tous les animaux précédents. Alikuwa anaachana na banyama bote bali walitangulia. Et il avait 10 cornes. Na alikuwa na mapembe 10. J'ai considéré les cornes. Nilianza kuangalia mapembe. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Na tazama kapembe kaloko katoa katikati yayo. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Na mapembe tatu ile ya kumwanzo ikatoshwa na kale kapembe. Et voici, il avait des yeux comme des yeux d'homme. Na tazama alikuwa na macho sawa macho ya mtu. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Na kinywa kile kilianza kusema na yauri. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'unité de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomea neno yake. C'est hier que nous avons commencé à parler de ce quatrième royaume. Ni jana tulianzia kusema juu ya hii ufalme ya ine. Un royaume qui est le dernier du côté des nations. Ufalme yenye kwa ya mwisho kungambo ya batu ya mataifa. Qui existera jusqu'à la fin des temps. Ile itaikala ako paka kumwisho wa nyakati. Nous allons essayer d'évoluer un peu. Tutapima ako kuendelea ako kiloko. Pour tendre aux choses un peu plus sérieuses. Juu ya kufika kubintu vyenye kuu yako vya kabaila. Avant de parler de Rome, de l'Empire romain, mbele ya kusemea juu ya Empire ya Roma, l'Empire romain commença avec le règne de l'empereur Auguste. Empire romain ilianzaka na utawalo ya ule empereur Auguste en l'an 30 avant Jésus-Christ. Mu mwaka ya makumi tatu mbele ya Yesu Kristu. Mais qui est Auguste, l'empereur Auguste? Sasa ule Auguste ni nani? Le véritable nom, j'ai noté quelque chose sur l'empereur Auguste. Niliandika kitu kimoya juu ya ule empereur Auguste. Le vrai nom de l'empereur Auguste est Njina ya kweli ya ule empereur Auguste ni Caius. Caius Octavius. Octavius. Octavius. Turnus. Turnus. Le véritable nom de l'empereur Auguste, c'est Caius. Jina ya kweli ya huyo empereur Auguste ni Caius. Octavius. Octavius. Turnus. Turnus. Cet homme est né le 23 septembre en l'an 63 à Rome avant Jésus-Christ. Uyo mtu alizalikaka le 23 septembre mu 63 mbele ya Yesu Kristo. Il est successeur de Jules César que tout le monde connaît bien dans l'histoire. Njoye alimkombolaka ule Jules César bantu bote banamjua mwadisi. Après sa naissance, après qu'il soit devenu un peu majeur, kisha kuzalika, kisha yeku kome ako, il s'est rendu en Espagne pour rejoindre César. Arienda ku Espagne juu apate kukutana na César. Et pendant son séjour en Espagne, na mumashiku yake kule ku Espagne, il attira l'attention de César. Akavuta angalisho ya César. Et il participe même aux expéditions et aux combats à côté de cet homme. Na akashiriki kupeleka bantu na kumamvita kando kando ya ule mtu. Mais après la mort de Jules César, sasa kisha kufa kwa Jules César, il y eut une guerre de succession. Kukakuwa mvita ya kukaburiana, ya kukombolana. Entre lui et Marc Antoine. Katikati yake yeye na Marc Antoine. Et après plusieurs luttes, na kisha mabukomvi ya mingi, ils ont fait plusieurs alliances. Barifanya mapatano ya mingi. Il devient finalement le premier empereur romain. Akakuya kumwisho sasa wa kwanza empereur wa kule ku Roma. Et on lui donna un surnom d'Auguste. Na bakamkaburia njina ya Auguste. Le 16 janvier l'an 27 avant Jésus-Christ. Le 16 janvier mu mwaka wa 27 mbele ya Yesu Kristo. Auguste, Auguste vient d'une famille respectable et modeste. Alitokea kwa jamaa moja ya heshima na yenye kuya sawa. Il est né du second mariage de son père. Alizarikaka mundoa ya pili ya baba yake. Et il est en même temps le petit neveu de Jules César. Na wakati moya moya ni mwipwa yake wa Jules César. Son père est mort pendant qu'Auguste n'avait que 4 ans. Baba yake alikufaka wakati Auguste alikuwa na miaka 4. Et après la mort de son père, sa mère l'éduqua pour qu'il devienne orateur. Mama yake akamfundisha juu apate kuya wa kwanza kusemea kwa bantu. Mais à l'âge de 40 ans, sasa kumiaka ya miaka makumi ine, Auguste alla à Rome. Auguste akenda ku Roma. Et là, il eut comme enseignant, na kule akapata sawa mwalimu, Marcus Epicus. Marcus Epicus. Epidius. Epidius. C'était son premier enseignant. Alikuwa mwalimu wake wa kwanza. Le second, Apollodore de Perse et de Pergame. Mwalimu wake wa pili ni Apollodore wa Pergame. Apollodore n'était pas de la ville de Rome. Apollodore hakuwa mule mumuji wa Roma. Mais c'est quelqu'un qui venait de la ville de Pergame. Lakini ni mtu anaanza kutokea kumuji wa Pergame. Et son troisième enseignant qu'il rencontra, c'est le philosophe stoïcien. Na mwalimu wake wa tatu alikutana naye ni ule philosophe stoïcien. Qui venait de la ville de Tarse. Ule alianza kutokea kumuji wa Tarse. Ce sont ces enseignants qu'il a eu comme encadreur. Njua walimu alipataka sawa ba kuweza kumuongoza. Après cela, comme il avait l'envie d'apprendre, kisha ile savile alikuwa na kifukuzio ya kuweza kujua hako bintu. Il est allé étudier au collège des augures. Alienda sasa kufunda tena kule ku collège ya augures. C'est là où il y avait des prêtres qui enseignaient les gens comment il faut interpréter les présages. Ce sont les gens qui prédisent l'avenir par des signes. Ni bantu bale beko na tangulia kusema hako bintu vile vitafika kupitia maalama. Et puis il est passé au collège de pontife. Kisha arienda tena ku collège ya pontife. En l'an 46 avant Jésus-Christ, mwaka wa 46 mbele ya Yesu Kristo, il fut préfet de la ville de Rome. Akakuwa préfet wa mji wa Roma. En l'an 45, il devient militaire. Akakuya askari. Comme je le disais sur haut, ko yulu. Le 6 janvier l'an 27 avant Jésus-Christ. Le 16 janvier mwaka 27 mbele ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. C'est à ce moment-là que le Sénat, ni mwile wakati yenye le Sénat, lui donne le titre d'Auguste. Bakamupatia cheti ya Auguste. Et de principe. Na ya principe. Qui est considéré comme une autorité morale incontestable. Ule mwenye kuonekana sawa mtawala kwa sipokuwa na kubishana naye. On ne pouvait pas le contester. Hawakupasha kubishana naye. Et en même temps, il était considéré comme un petit dieu. Na wakati moya moya baranza kumuona sawa Mungu muloko, Mungu kidogo. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans la vie. Kulikuwa maandamano ya mingi ilifanikaka mu maisha. Il y a eu des luttes. Kulikuwa mabukomvi. Il y a eu des conflits. Kulikuwa makotano. Tout ça, nous ne pouvons pas les raconter aujourd'hui. C'est biote, beaucoup. Biote bila tuwezi kufasiria leo ni vya mingi. Mais après un certain temps, il devenait de plus en plus faible et malade chaque fois. Na kisha wakati moya akaanza kuwa mdhaifu na mgonjwa kila wakati. Il regarda parmi les gens qui l'accompagnaient. C'est ainsi que son choix tomba sur Tibère comme son successeur. Et arrivé le 19 août en l'an 14 après Jésus-Christ, na kufika mle 19 août mwaka ya 14 kisha Yesu Kristo, Auguste mourut dans sa ville natale qu'on appelle Nola en Italie. Auguste akakufa mumuji yake ya kizarikio yenye kuitwa Nola kule ku Italie. C'est lui qui fut le premier empereur. Niye alikuya amperero wa kwanza. Et l'Empire romain est le quatrième, comme l'avons dit. Na Empire ya Roma ni aine vile tulisema. Selon Daniel au chapitre 2, au verset 40 à 44. Kufatana na Daniel sura ya pili makumi ine na makumi ine na ine. Daniel chapitre 7 verset 7 à 8. Daniel sura ya 7 mstari ya 7 na 8. Et Daniel 7 verset 17 à 27. Na Daniel 7 17 na 27. Sur l'Empire romain, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Juu ya hii ampire ya Roma kuko vitu vya mingi vile tunapasha kusema. Mais son histoire n'est pas tellement très important pour vous. Lakini hadithi yayo haina tu ya kabaila sana kwenu. Mais nous allons approfondir son comportement ou le comportement de cet empire après le départ de l'épouse dans la 70e semaine de Daniel. Lakini tutaingia mupana juu ya mwenendo yake na namna yake ya kujiongoza kisha kwenda kwa bibi harusi hii majuma 17 ya Daniel. Parce que si on peut parler depuis que cet empire a commencé à régner en l'an 30 avant Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui, on n'en finira pas. Juu kama tunaanza kusemea tangia ile ampiri ilianza kutawala kufikia paka na leo tutaweza kumaliza. Jésus-Christ lui-même est né sous la domination de l'Empire romain. Yesu mwenyewe alizalikaka chini ya utawala ya ile ampiri ya Roma. L'église, son église, la première église qui est née les jours de la Pentecôte, c'était toujours sous l'Empire romain. Kanisa ya kwanza ilizalikaka siku ya Pentecôte nayo ilikuwa paka chini ya utawala wa Roma. La destruction de Jérusalem, kupomoka kwa Yerusalemu, comme l'avons signalé, vile tulionesha, c'est avec un général romain, ilikuwa na jamadari wa Roma jina yake Titus. Tous les sept messagers dans les sept états de l'église des nations bajumbe bote saba mu bizazi saba vya makanisa ont apporté l'évangile, c'est toujours sous la domination de l'Empire romain. Bari ubiri habari njema ni chini ya utawala paka ya ile ampire ya Baroma. Notre messager est né dans le règne de cet empire. Mujumbe wetu naye alizalika paka mtawala ya ile paka empire. Même aujourd'hui quand je vous parle, nous sommes encore sous le règne de cet empire. Hata hivi leo niko nasungumza na mwetu kingali paka mtawala paka ile empire ya Baroma. Jusqu'à l'enlèvement, ce royaume régnera toujours. Kufikia paka mkunyakuliwa hii ufalme itatawala tu. Même après l'enlèvement de l'épouse, dans la dernière semaine des 70 semaines de Daniel, cet empire sera toujours là. Atakisha kunyakuliwa kwa bibi wa harusi mwile juma ya mwisho ya majuma 70, hii ufalme itakuwa paka pale. Vous voyez que si il faut parler en détail, c'est beaucoup de choses sur elle. Unaona kama nikusemea kila kakintu paka kintu ni vitu vya mingi juu yayo. Elle est impliquée dans la Première Guerre mondiale. Ni yenye kuyamo muvita ya kwanza ya ulimwengu mzima. Elle est impliquée dans la Deuxième Guerre mondiale. Iko hapo muvita ya pili ulimwengu mzima. Elle est impliquée dans toutes les guerres qui se passent sur la terre. Ni yenye kuyamo muvita yote yenye kufanyika mudunia. Elle est impliquée dans la politique mondiale. Iko yenye kuijingiza msiasa yote ulimwengu mzima. Parce que c'est ce que l'écriture avait déjà prédit. Njo ile andiko ilikuwa isha kutangulia kusema. Maintenant pour aller un peu plus vite. Sasa jua kwenda kwa haraka kidogo. Vous devez retenir quelque chose sur les empereurs romains. Kitu kimoya kwa baba empereur ba Roma. Dans cet empire, oui, empire hein? Les empereurs romains se faisaient adorer comme des dieux. Ababa empereur baku Rome balanza kufanya baba abudu sawa ba Mungu. Les empereurs romains, ba empereur baku Roma, et c'est tous les empereurs romains, na ni bote ba empereur baku Roma, se faisait adorer comme des dieux. Barianza kujifanya baba abudu sawa ba Mungu. Ma miungu kidogo. Saba miungu kidogo. C'est ainsi qu'on les appelait. Ni mwi namna barianza kubaita. Dieu, Mungu. Sauveur et souverain de la vie humaine. Mokozi na mtawala ya uzima wa bantu. Vous voyez déjà le comportement de ces gens. Munaona ile kutenda kwa bale bantu. Ils étaient des dieux. Barikuwa ba miungu. Ou ils se considéraient comme des dieux. Baranza kujiona saba miungu kidogo. Et les sujets les considéraient comme des dieux. Na bantu yao baranza kubaona saba ba Mungu kidogo. Comme des sauveurs. Saba mwokozi. Et des souverains de la vie humaine. Na benyekuwa na utawalo juu ya buzima ba bantu. Ils étaient appelés fils de Dieu. Ils étaient appelés Seigneur. On pouvait les appeler Seigneur et Dieu. Seigneur et Dieu. On les appelait grands prêtres. Baranza kubaita bapadiri bakubwa. On les appelait les sauveurs du monde. Barikuwa na baita ba mokozi ba dunia. On les appelait même le roi des rois. Barikuwa na baita ata bafalme ya bafalme. Regardez les titres qu'ils se donnaient. Angalia cheti ile baranza kujipatia. Et les titres que les gens leur accordaient. Comment un homme peut être Dieu, sauveur et souverain de la vie humaine? Mokozi na mwenye kuya na utawalo juu ya kushima wa bantu. Comment ils pouvaient accepter d'être appelés comme des fils de Dieu? Namna kani baliweza kuitikia baanze kubaita sawa batoto ya Mungu. Comment ils pouvaient accepter qu'on les appelle Seigneur et Dieu? Namna kani baliweza kuitikia baanze kubaita Bwana na Mungu. On les appelait en même temps grands prêtres, souverain du monde, roi de rois. Baranza tena kubaita bapadiri bakuba batawala baulimwengu bafalme ya bafalme. C'est l'esprit des gens sataniques qui s'est révélé en eux. Ilikuwa ni roho ya kishetani ilianza kuonekana ndani yao. C'est pourquoi vous verrez. Ndio kwa maana mtaona. Comme nous l'avons montré hier. Vile ambao tulionyesha jana. Au temps où l'Antichrist va se révéler. Mwakati mule mupinga Kristo atajifunua. Il voudra faire ce qu'il voudra. Atapenda afanye kile anapenda. Il voudra se glorifier au-dessus de tous les dieux. Atapenda kujitukuza yulu ya ba miungu bote. Il voudra changer les lois et changer les lois comme l'avons montré hier. Atapenda kubadilisha masheria na kubadilisha byote vile tunaonyesha jana. Cet esprit qui va se révéler après le départ de l'épouse dans la semaine, dans la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Ile roho itajifunuaka kisha kwenda kwa bibi wa harusi mwile juma ya mwisho ya juma 17 ya Daniel. Ce n'est pas l'esprit qui va seulement se révéler là, c'est un esprit qui avait déjà commencé depuis longtemps. Aina roho ile itajifunua mwile wakati ni roho ile ilijifunuaka tangia zamani. Regardez dans Daniel au chapitre 11. Angalia mu Daniel sura yake 11. Dans son verset 36. Mustari ya 36. Vous pouvez aller jusqu'au verset 39. On arrive à kwenda ku 39. Le roi fera ce qu'il voudra. Mufalme atafanya byote bila atapenda. Il s'élèvera. Atajinyanyua. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Atajitukuzaka yulu ya bamiungu. Il dira des choses incroyables contre les dieux des dieux. Les dieux des dieux. Na atasemaka bintu bimoa bya hatari kumkombanisha Mungu wa bamungu. C'est-à-dire le grand Dieu. Mungu mkubwa. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Ataendelea kufikia paka pale kasirani itafika. Car c'est ce qui est arrêté s'accomplira. Ju bile byenye kupangwa binapasha paka kutimilika. Dans le verset 37. Magumisa il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. Ashitakuwa na kuangalia hata kwa miungu baba yake. Ni à la divinité qui est l'objet des désirs des femmes. Au kubumungu mwenye kuya shina ya mapenzi ya banamuke. Et il n'aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Na ashitakuya na kuangalia hata kwa miungu ingine juu ataanza kujitukuza yulu ya yote. Vous voyez. Munaona. Regardez dans le verset 27 ici, je vais peut-être en parler plus tard. Mwangalie makumi mbili na saba nitasemea. Dans d'autres traditions il est dit les dieux de femmes. Miungu baba na mke. Les dieux de femmes. Il n'aura ni égard au dieu de femme. Ashitakuwa na kuangalia hata kwa miungu baba na mke. D'autres traditions disent kusema kwingine kunasema il n'aura point égard à l'objet du désir de femme. Ashitakuwa na kuangalia mu ni ya bana mke. Vous savez le désir de femme. Mungu anajua kuya na ni ya bana mke. Je vais en parler plus tard, est lié au mariage. Ntasemea nyuma zaidi ni yenye kuungishwa kundoa. Les femmes adorent beaucoup le mariage. Banamuke banaikalamu kuabudu sana ndoa. Mais ce roi ici, l'antichrist. Lakini mufalme huyu mpinga Kristo huyu. N'aura même pas du respect à l'égard du mariage. Ashitakuya hata na heshima moya kwa mambo yenye kuangalia ndoa. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, ils acceptent facilement l'homosexualité. Njoo kwa maana mko naona leo beko naitikia kwa bwepesi bantu bawane bagenda moya. Les homosexuels n'ont pas du respect à l'égard du mariage. Benye ko wana mugenda moya bana na heshima kwa mambo iko na ngalia ndoa. Ils sont pervertis. Beko benye kuharibika. C'est pourquoi vous voyez même dans la loi, dans les lois de l'église mère, on prend le célibat, on enseigne le célibat, que les prêtres doivent être célibataires, et pourtant cela est contraire à 1 Timothée chapitre 4 verset 3. Japo ile iko yenye kukombanisha mianjiko. Et la prédication qui interdit aux gens de se marier, la Bible l'appelle une doctrine de démons. Na mahubiri ya kukataza bantu wapate kuoa, Biblia iko naita kusema ni mafundisho ya mademona. Mais cet antichrist, sasa huyu mpinga Kristo, ne va pas honorer le mariage. Ashita ishimiaka ndoa. Il va honorer la force. Ata ishimia paka nguvu. Il va accepter l'homosexualité. Atetika bantu bawane bagenda moya. Et toutes sortes de bestialités. Na bitu byote bya aina ya bunyama. Parce que c'est l'esprit de Satan qui agira en lui. Ju ni roho ya shetani tatendaka ndani yake. Vous voyez. Munaona. Il se glorifiera au-dessus de tous. Atajitukuzaka. Parce qu'il est l'adversaire de Dieu. Juu yeye ni wa kukombanisha Mungu. Ici au début de ce royaume, huko ku mwanzo ya hii ufalme, c'était l'ensemencement de la semence. Ilikuwa ni kupanda kwa mbegu. Mais à la fin, lakini kumwisho, dans la dernière semaine des 70 semaines de Daniel, mwile juma ya mwisho ya majuma makumi saba ya Daniel, ça sera le couronnement de ce qui avait commencé. Itakuwa sasa ni kumwisho ya kile kilianza. Parce qu'ils se sont toujours considérés comme Dieu. Juu kila mara anajionaka sawa Mungu. Des vicaires, des remplaçants des fils de Dieu. Ba kumkombola Mungu. Ceux qui sauvent le monde. Ni bobe kuna okola dunia. C'est quand vous parlez avec eux, ils vous diront, c'est nous qui vous avons amené Dieu, c'est nous qui vous avons amené la Bible, c'est nous qui vous avons amené les écoles, c'est nous qui vous avons amené ceci et cela. Ndio tumeletea hiki na hiki. Vous voyez, munaona, ils se traitaient comme des dieux, beko na jiona saba Mungu, comme le sauveur du monde, sawa mokozi wa dunia, comme les rois des rois, sawa mfalme wa mfalme. Et c'est ce qu'ils sont. Na, ndio kile beko. Aucun roi de la terre, hakuna hata mfalme wa dunia, ne peut être investi dans son pays sans qu'il aille à Rome pour présenter ses civilités. Ule anaweza kuwekwa mwinchi yake asipoe kwenda kule ku Roma bende bakamweke huko. C'est parce que tous les rois de la terre les considèrent comme leur chef, comme leur Dieu. Ils y vont pour recevoir la bénédiction. Qu'est-ce que c'est Satan à l'œuvre. C'est le dessein de Satan qui s'accomplit. C'est ainsi que dans leur orgueil, ils appelaient leur décret comme des évangiles. Quand ils signaient un décret, ils disaient, il a signé les évangiles. Quand il écrivait des lettres, wakati anaandika barua, ils appelaient ces lettres banaita ile barua comme des écrits sacrés. Sawa miandiko takatifu. Et quand il allait visiter une ville, na wakati banaenda kutembelea muji fulani, Son arrivée était appelée parousi ou avènement. Kufika kwake kulianza kuitiwa parousi au son arrivée. Quand il arrivait, quand l'empereur arrive ici ou le pape arrive ici à Cambov, wakati pape anakuja ku Cambov au empereur, donc son arrivée là, ile kuya kwake ile était appelée parousi, kulianza kuitiwa parousi ou avènement. Au avènement. Mais ses visites kutembeleana kwake était appelé épiphanie. Ilianza kuitwa épiphanie. C'est le mépris à l'égard de la vérité. Ile ni kiburi ni kazarau ku mambo iko naangalia ukweli. Ils ont pris des termes sacrés dans la Bible. Baribeba misemeo moya takatifu ndani ya Biblia. Et les ont appliqués sur leurs histoires. Na banaiweka mu mabintu yabo kwabo. Quand ils signent un décret, anaweka saini ya mpango fulani. Il dit c'est l'évangile. Il a signé l'évangile. Banasema anaweka saini ya injili. Quand il écrit une lettre à quelqu'un, barua, à un autre roi, sa lettre là est appelée ile barua yake inaitwa un écrit sacré. Andiko takatifu. Quand il arrivait dans une ville, wakati anafika mumuji fulani, on appelait parousi ou avènement. Bananza kuita parousi au avènement. Ce sont des termes qui concernent Christ. Ni mamisemo ile kuna muangalia Kristu. Et ses visites étaient appelées comme épiphanie. Na kutembeleana kwake kwa bantu ilianza kuitwa saipa épiphanie. Et vous remarquerez tout au long du règne. Na mutatazama mu utawalo yote. Des empereurs. Ya bale ba empereur. Des papes. Ya ba papa. Dans ce royaume ou dans cette église. Mu ile ufalme au mu ile kanisa. Ils n'ont jamais eu de titres moindres. Akuya kuyaka ma titre ya chini. Ils se donnent toujours des titres plus élevés qui est au-dessus de tous. Banajikaburiaka kila mara paka mabieu yenye kuya yulu ya bote. Ils s'imposent comme une référence à tous. Beko na weka mukazo sawa bakuye kwa bantu kuangaliria bote. Parce que c'est la continuité de l'œuvre du diable. Dieu ni kuendelea paka kwa kazi ya shetani. Et il y a eu plusieurs empereurs qui ont régné dans cet empire. Na kulikuwa ba empereurs ba mingi bali walitawalaka mwile empire. Mais ils sont néanmoins catégorisés. Lakini beko hapo benye kwa bikunji. Il y a les empereurs qu'on appelle les Césars. Kuko ba empereurs bali beko na beta ba César. Qui ont régné de -27 jusqu'à 69. Bale baritawala tangia mu 27 jusqu'à 69. Pour ceux qui écrivent, bale kona andika, je les ai notés ici. Mini bandika apa. Parmi les Césars, katikati ya bale ba César, il y a le premier empereur. Kuko empereur wa kwanza. C'est l'empereur Auguste sur lequel on venait de parler. Ni mufalme Auguste ule tunatokea mkupemea hapa. Qui a régné 26 ans. Ule atawalaka miaka 26. Le deuxième qui l'a remplacé c'est Tibère. Wa pili ule mkombola ni Tibère. Qui a régné pendant 23 ans. Ule atawalaka miaka 23. Le troisième c'est Calicula. Wa tatu ni Calicula. Calicula. Calicula. Calicula. Calicula. Qui a régné 14 ans. Ula ritawalaka miaka 14. Le quatrième c'est Claude. Wa ine ni Claude. Qui a régné pendant 13 ans. Ula ritawalaka miaka 13. Celui dont on parle dans Actes Apôtres chapitre 10. Ni ule beko nasemea matenda wa mitume sura ya 10. Dans son verset 28. Mustari yake ya 28. C'est de ce Claude là qu'on que la Bible parle. Ni ya ule Claude Biblia qu'on asemea. Actes des Apôtres chapitre 10. Matendo wa mitume sura ya 10. Dans son verset 28. Mustari yake makumi mbili na munane. Il fut le quatrième empereur. Alikuwa mfalme ule wa ine. Dans ce royaume de Rome. Mwile ufalme ya Roma. Il y a le cinquième, c'est Néron. Kuko watano ni Néron. Qui a régné pendant 14 ans. Ule alitawalaka miaka kumi na ine. Le sixième, c'est Golba. Wa sita ni Golba. C'est l'empereur Golba. Ni mfalme Golba. Qui a régné 7 mois. Ule alitawalaka tu miezi saba. Le septième, c'est Otérion. Wa saba ni Otérion. Qui a régné pendant une année. Ule alitawalaka tu mwaka moya. Le huitième, c'est Vitellus. Wa munane ni Vitellus. Qui n'a régné que 8 mois. Ule alitawalaka tu miezi munane. Ici, c'est parmi les empereurs. Aba ni katikati ya bale bafalme. Qu'on appelle César. Bale badanza kubaita ba César. Si nous voulons parler de ces gens ici, nous n'allons pas terminer. Quand on appelle Seigneur Dieu Babanta, tout à fait ça comme Alisa. C'est comme ça qu'ils se sont succédés. Ni mwile namna badanza kwa chiana. Et il y a le deuxième groupe. Na kwa kikundi ki apiri. Ce sont les Flaviens. Ni ba Flaviens. Qui ont régné de 69 à 96. Bale bale tawalaka kuanzia mu 69 kufika paka na 96. Et le premier parmi les Flaviens. Na wa kwanza kati ya ba Flaviens. Qui ont aussi une longue histoire, nous ne saurons pas en parler. Benye kwa na bo na mambo mingi ya tuweza kusemea. C'est Vastien. Ni Vastien. Vastien. Qui a régné 10 ans. Ule alitawalaka miaka 10. Il y a Titus. Kuko Titus. Qui a régné pendant 2 ans. Ule alitawala tu miaka 2. Le troisième, c'est Dominicien. Watatu ni Dominicien. Qui a régné pendant 15 ans. Ule alitawalaka miaka 15. Parmi les empereurs Flaviens. Kati ya bale ba falme si ya Flaviens. Qui ont régné de 69 à 96. Nous en avons que ce 3. Et troisièmement, il y a eu les Antonius. Les Antonius ont régné de 96 à 100 à 192. Le premier parmi les Antonius. Wa kwanza katikati ya bale ba Antonius. C'est Nerva. Ni Nerva. Qui n'a régné que 2 ans. Ule alitawalaka tu miaka 2. Le deuxième, c'est Trapan. Wa pili ni Trapan. Qui n'a régné que 19 ans. Ule alitawalaka miaka 19. Le troisième, c'est Adrien avec H. Adrien avec H. Wa tatu ni Adrien na H kumwanzo. Il a régné 21 ans. Ule alitawalaka miaka makumi na moya. Le quatrième, c'est Antonium. Wa ine ni Antonium. Qui a régné 23 ans. Ule alitawala miaka makumi mbili na tatu. Le cinquième, c'est Marc. Wa tano ni Marc Aurile. Qui a régné 13 ans. Ule alitawala miaka kumi na tatu. Le sixième, c'est Verus. Wa sita ni Verus. Ces années ne sont pas bien précisées. Ma miaka yake kutawala ba kuandika mzuri. Et le septième, c'est Commode. Na wa saba ni Commode. Qui n'a régné que 12 ans. Ule alitawala miaka kumi na mbili. Ce sont des rois. Ni bafalme. Des empereurs. Bafalme. Qui ont une histoire. Benye kwa na maharisi. Parce que regardez, depuis l'an 30 jusqu'à aujourd'hui. Tazama kuanzia mwaka makumi tatu kufika paka na leo. Ici, on ne parle que de ce roi sans parler des papes. Parce que comme nous l'avons dit, le royaume de Rome a régné dans deux phases. Il y a d'abord Rome papale, il y a Rome païenne, Roma ya kipagano, et il y a aussi le Rome papale. Na kuko Roma ya bapapa. Et parmi les Roms païennes, il y a ces empereurs que nous avons cités ici. Mais quand vous prenez Apocalypse chapitre 17, sasa, kama munabeba Ufunuo 17, prenez le verset 10. Mubebe mstari yake ya 10. Ce sont aussi sept rois, je pense que nous en parlerons. Tout à semea, mina wazio tout à semea. Et ce sont aussi les sept rois. Ni bafalme saba. Cinq sont tombés. Batano barianguka. Un existe. Moya ekwako. L'autre n'est pas encore venu. Na ule mungine yebalokuya. Et quand il sera venu, sasa wakati atakuya, il doit rester peu de temps. Kuna pasha kubakie wakati kiloko. Ces sept rois dont on parle ici dans Apocalypse chapitre 10 et chapitre 17 dans son verset 10, ni umufalme tuko nasema hapa Ufunuo 17 mstari yake ya 10. Le premier c'est Caligula, Caligula. Wa kwanza ni Caligula. Lui qui n'a régné que 4 ans. Ule alitawala tu miaka 4. Le deuxième c'est Claude. Wa pili ni Claude. Il a régné 13 ans. Alitawala miaka 13. Le troisième c'est Néron. Wa tatu ni Néron. Il a régné 15 ans. Alitawala miaka 15. Le quatrième c'est Vasparien. Wa ine ni Vasparien. Qui a régné 10 ans. Ule alitawala miaka 10. Le cinquième, c'est Titus. Watano ni Titus. Qui n'a régné que 2 ans. Ula tawalaka tu miaka 2. L'écriture dit, andiko inasema, 5 sont tombés. Batano barianguka. Les 5 sont Caligula, batano Claude, Néron, Claude, Vasparien, Vasparien et Titus qui sont tombés. Na Titus vale barianguka. Les 1 qui existe, ule moya mwenye kuu yako, c'est Donatien. Ni Donatien. Lui qui a régné, yeye alitawalaka, voyez qui n'a régné, alitawalaka tu, que 15 ans, miaka 15. Et l'écriture dit ici, na andiko inasema hapa, et notre n'est pas encore venu, na ule mwingine yeye balokuya, quand il sera venu, wakati atakuya, il ne restera que peu de temps, kutabakiaka tu wakati kiloko. Celui qui n'était pas venu, ule ashikukuye, quand Jean ici écrit, c'est Nervant, ni Nervant, qui est le septième, mwenye kwa wa saba, qui est venu, voyez 2 ans, ce n'est pas beaucoup. Ule alikuya munaona miaka 2, haina mingi. Il n'a fait que 7 ans. Alifanyaka tu ile miaka. Il n'a fait que 2 ans. Le septième roi. Ule mfalme wa saba. Il n'a fait que 2 ans. Alifanyaka tu miaka 2. Et son règne est terminé. Na utawala yake ilimalizika. C'est ainsi que vous observerez, même quand vous lisez l'histoire de l'Empire romain, ni mwina mna mtaona hata kama mnasoma habari ya ufalme ya Roma, ils ont eu une influence particulière sur la conduite du monde. Barikuwa na uvuto ya kipekee muongozi ya dunia. C'est-à-dire sur la politique mondiale. Musiasa ya dunia. Depuis que l'Empire romain a pris le règne, tangia wakati ufalme ya Roma ilianza kutawala, la politique mondiale est déterminée par cet empire. Siasa ya ulimwengu mzima iko yenye kuwekwa na ile ufalme. Que ce soit dans le monde politique, ikuye mulimwengu ya siasa, que ce soit dans le monde religieux, ikuye mulimwengu ya madini, ils ont exercé une influence particulière. Baritumia uvuto moya ya kipekee. Pourquoi? Juu ya nini? C'est parce qu'ils avaient une influence satanique. Ni juu barikuwa na uvuto ya kishetani. Dans tout ce qu'ils faisaient. Mubiote vile walanza kufanya. Et ils le faisaient avec beaucoup de ruse. Na barianza kubifanya na bujanja bwa mingi. Avec une haute politique, na siasa ya yulu, parce que ce soit dans la statue de Nebuchadnezzar, que ce soit dans la vision de Daniel, vous voyez comme nous l'avons montré hier, que ce royaume a la nature de ces trois grands royaumes qui l'ont précédé. C'est un royaume qui a une haute politique. Là où il faut utiliser la sagesse, ils le font. Pale panapasha kutumia hekima wanafanya. Là où il faut utiliser la ruse, ils le font. Penye panapasha kutumia bujanja wanafanya bujanja. Là où il faut utiliser la force, ils le font. Panapasha panapasha kutumia nguvu wanafanya nguvu. C'est ainsi que vous remarquez après la mort de Christ. Ndio mwina mna mtaona kisha kufa kwa Kristo. Tous les martyrs. Tous les chrétiens. Ba Kristo bote. Sont morts par l'épée romaine. Barikufa na mupanga ya Baroma. Ils n'ont jamais compris même la venue de Jésus-Christ. Bobalo atakuelewa katakuya kwa Yesu Kristo. Ils ont adhéré au christianisme. Barijunga ku kristiani. C'est parce qu'ils ne comprenaient pas l'agissement du Saint-Esprit. Nijua bakuelewa kutenda kwa Roho Mtakatifu. Ils ne pouvaient pas vaincre le Saint-Esprit parce que Dieu avait ouvert une porte aux nations pour qu'ils reçoivent le salut. C'est salut qui était seulement pour Israël. Mais les Romains pensaient que la véritable chrétienté venait détruire leur empire. C'est ainsi qu'ils ont engagé une guerre farouche dans les premières heures avec le christianisme véritable. Lorsqu'ils virent qu'ils ne pouvaient pas vaincre les chrétiens, chaque fois qu'on les tuait et les chrétiens devenaient nombreux, ils faisaient la publicité de ces chrétiens. Quand vous lisez l'histoire de la chrétienté, vous remarquerez que lorsque l'église catholique a commencé à persécuter les chrétiens, on tue aujourd'hui 50, on tue 50 chrétiens, et 100 chrétiens viennent, nous avons appris qu'à cause de Christ, vous avez tué 50 de nos frères. Nous venons aussi pour que vous nous tuiez. On tue les 50. Et le lendemain, c'est 100 qui arrivent. Il dit, nous aussi, nous sommes les frères de ceux que vous avez tués. Nous venons aussi pour verser le sang à cause de Christ. Compris, ils étaient obligés de changer de tactique. Vous voyez bien les mêmes frères. Vous voyez bien les mêmes sœurs. Parce qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'Esprit de Dieu. Quand Dieu commence à œuvrer, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas le fouet, ce n'est pas la prison, ce n'est pas la pendaison qui va arrêter l'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas les moqueries. Non, bien-aimés frères. Ça dépassait ces rois. Quand ils ont vu cette attitude, ils se sont dit, nous n'allons pas vaincre ces gens. La bonne manière, il faut se convertir comme eux et savoir d'où viennent leurs forces. Et savoir maintenant les manipuler de l'intérieur. C'est ainsi que quand vous lisez les sceaux, c'est l'entrée dans le christianisme des dignitaires. Que le christianisme maintenant a commencé à s'affaiblir. Vous voyez bien les mêmes frères. Vous voyez bien les mêmes sœurs. Il y a les gens riches que nous appelons les gens riches. Matagiri. Qui sont venus dans l'église. Bale, bale, kyo mkanisa. Ils ne venaient pas des juifs. Aba kutokea ku Bayuda. C'était des riches qui venaient de Rome. Bale, kwa batajiri, ba kutokea ku Roma. Les empereurs ont commencé à changer. Ba, empereur, ba falu badanza kubadirisha. Leurs commandants ont commencé à adhérer. Ba, kubwa yabo badanza kunabo kuingia. Au christianisme. Au christiani. Ils n'ont jamais adhéré au christianisme pour être sauvés, non. Ils sont entrés dans le christianisme pour découvrir d'où venait la force des chrétiens afin de renverser la balance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand vous regardez, tous les dignitaires, même les papes, les seigneurs catholiques, tous ces gens, c'est parmi eux que vous trouvez beaucoup de gens de lettres. Dans toutes les époques, vous remarquerez que c'est dans l'Empire romain et dans l'église de l'Empire, qui est l'église catholique, l'église universelle, qu'on a retrouvé beaucoup de philosophes. Sorcier ici que nous avons lu ici, qui a même influencé Auguste, c'est celui que nous lisons dans la Bible. Sa doctrine a évolué. Ils ont étudié la philosophie. Ils ont beaucoup étudié les langues. Ils ont étudié les droits. Ils ont beaucoup étudié les sciences culturelles. Ils ont étudié la psychologie. Ils ont étudié. Pourquoi ils étudiaient toutes ces choses-là? C'était pour avoir des moyens suffisants pour mater tout le monde. Il fallait qu'ils matent, qu'ils dominent, qu'ils tiennent sous la domination Batawale, bantu, tous ces gens qui pouvaient s'élever contre eux. Bantu, bote, walipasha kulamuka, ujua kubakomanisha. Et vous trouvez dans ce royaume des grands raisonneurs. Na munakuta mwile ufalme, bantu benye kujikuya na mafikiri minene. Vous ne pouvez pas trouver un évêque moya, qui n'a pas étudié ula shikufunde la philosophie. Philosophie. Non. Apana. La déontologie culturelle. Non. Le droit. Ma sharia. Non. Apana. Ça c'est leur domaine. Il est njo ma domaine yabo. Ils sont intelligents. Beko na akili. Ils raisonnent beaucoup. Beko na kufikiri sana. Mais ce n'est pas l'intelligence naturelle. Lakini aina ile akili ya asili, c'est une intelligence satanique. Ni akili ya kishetani. Ils étudient. Ils wanajifunza. Tout ce cours-là. Ile majifunzo yote. Sous l'inspiration satanique. Chini ya uongozi ya kishetani. Dans le but de contrecarrer l'esprit de Dieu. Mukifu. Et de promouvoir la doctrine de l'Empire. Mukifukuzio kia kusema bashibamishe roho ya Mungu na kuendelesha mbele ile uwezo ya ile Empire yabo. Voyez bien mes frères. Unaona bapendwa nduku. Voyez bien mes sœurs. Unaona da mpendwa. C'est pourquoi ils ont créé beaucoup d'écoles. Ndio kwa maana balitunga masomo ya mingi. Ce n'était pas pour civiliser les gens. Haikukwe juu ya kufanya watu wakwe wa kizungu. Non. Hapana. Ils voulaient appeler les gens. Balipenda kuita bantu. Afin de les enseigner, de leur inculquer leur philosophie. La philosophie du vainqueur. La philosophie des vainqueurs. Ceux qui ont vaincu. Ceux qui ont remporté la victoire. Ah, pour bien dominer. Vous voyez bien mes frères. Et dans le monde entier. Et parmi tous les royaumes. Il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de roi, d'empereur, de pape qui qui ont exercé la méchanceté bale batumikishaka ukali ukaidi comme ceux de Rome. Sawa bale bakule ku Roma. Quand vous regardez la manière dont ils ont exercé leur méchanceté, vous retrouverez en eux certainement l'esprit de Nimrod. Et vous remarquerez comment l'esprit de Dieu et donc l'esprit de Satan a quitté Babylone. Il est parti de Babylone. Il est allé à Babylone. Il est allé à Pergame. Il est allé à Pergame. Et de Pergame. Il est allé à Pergame. Et Satan a déplacé son trône vers Rome. Ali amisha kiti yake haezi kwenda ku Roma. C'est ce qui embrouille les gens. Njoo ile kuna vuruka bantu. Parce que cette bête est compliquée. Elle est insaisissable. Ana namna yaweza kumubamba. Frère. Nduku. La grande Babylone. Ule Babylone mkubwa. Est un mystère. Misiri. Pour comprendre la grande Babylone, il faut Babylone mkubwa. Que le Saint-Esprit vous le révèle. Apate kufunulia. Parce que c'est compliqué. Juni via Atari. Il est entremêlé. Eko wa kuchanganisha changanisha bintu. Il y a de l'air en lui. Kuko ma. Il y a du fer en lui. Kuko vyuma ndani yake. Il y a de l'or en lui. Kuko zahabu ndani yake. Il y a de l'argent en lui. Kuko pesa ndani yake. Il y a de l'argile en lui. Kuko burima ndani yake. Il est en même temps mêlé. Eko mwenye kuchanganisha. Il y a le caractère du léopard. Moko tabia ya léopard. Il y a le caractère du lion. Moko tabia ya simba. Il y a le caractère de l'ours. Moko tabia ya duku. C'est un animal terrible. Ni nyama moyo hatari. C'est un royaume qu'on ne sait pas identifié. Regardez aujourd'hui. Tous les profanes pensent que l'Empire romain n'existe pas. Ou n'existe plus. Et pourtant c'est un mensonge. L'Europe unie comme nous le verrons. Europe yenye kujunga hivi tutaiona. L'Europe unie. Europe yote yenye kujunga. C'est lui qui domine. Niyo ndio anatawala. Toute la terre. Ulimwengu mzima. Avec l'unification na kule kujunga de deux Allemands ya maalma mbili comme nous en parlerons vile tesemea. Mais maintenant le royaume de Rome sasa hii ufalme ya Roma a retrouvé ses anciennes limites ilipata ile mamwisho yao ya kuzamani qui existait au temps de Jésus-Christ. Il est recueilli à comme à cause de Jésus Christ. Citez-moi un seul pays. On y taille quoi ta inchi moya. Que ce soit chez les musulmans. Écoutez Kuba musulmans. Que ce soit chez les protestants. Écoutez Kuba protestants. Que ce soit chez les bouddhistes. Écoutez Kuba bouddhistes. Citez-moi n'importe quel président, quel roi. On y taille quoi ta raïsi moya. Qui ne va pas s'agenouiller. Où la chita weza kutwanga magoti. Devant le pape de Rome. Kumbele ya papa wa Roma. Vous voyez, munaona. Ils ne vont pas s'agenouiller en vain. Abawezi abaendake kutwanga magoti kwa bule hapana. Ils y vont. Beko naenda. Parce que tous les rois de la terre. Tubafalme bote ba ulimwengu. Reconnaissent son autorité. Banajua mamlaka yake. Ce n'est pas seulement une autorité comme ça. Aina tu mamlaka tu ya hivi. C'est Satan. Ni shetani. Qui a fait son trône là-bas, où la rueka ezi yake kule, qui est dans tous ces rois-là, mwenyekua mwile mafalme yote, qui reconnaissent son trône, venye kutambua ezi yake. Voyez bien mes frères, munaona bapendo anduku. Voyez bien mes sœurs, munaona bapendo dada. Regardez toutes les guerres, angalia hii mavita yote, même aujourd'hui qui sont dans le monde entier, hata leo wenyekua mulimwengu mzima, vous allez y trouver, mutakuta mo, l'Empire romain qui dirige cela. Ufalme ya Roma yenye kuongoza ile. Que ce soit la politique de notre pays. Ikuya hata siasa yetu. Que ce soit la politique de n'importe quel pays que vous connaissez. Ikuya hata siasa inchi yote ile mnayo. L'Empire romain est mêlé là. Ufalme ya Roma iko nayo yenye kujitumbukiza mule. C'est lui qui donne le ton. Ni yeye ndiye anasemea mo ile mambo. Il est en même temps au four et au moulin. Iko mwakati moyo moyo huko na huku. En même temps, il est comme médiateur. Wakati moyo moyo kosa kushikilisha bantu. Et en même temps, wakati moyo moyo, c'est lui qui incite les autres à porter les armes. Ni paka yeye moyo moyo kuna na sukuma bengine babebe masila. Donc il est très compliqué, très complexe. Ni kusema eko hatari sana parce qu'en lui, il y a Satan qui règne pour accomplir ses objectifs. Dieu a optimisé les projets biaki. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Nous allons parler de ça. Surtout en ce qui nous concerne. L'histoire ici, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ça. Surtout les gens qui n'ont pas étudié, c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dire, mais lorsque nous allons maintenant le ramener à l'état actuel, vous allez comprendre ce qui s'est fait. Vous remarquez aujourd'hui, c'est l'église catholique qui conduit même les églises chrétiennes. Ce n'est pas seulement les églises chrétiennes, même les musulmans. Les bouddhistes, n'en parlons pas. Vous voyez, parce qu'il est le grand chef. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour la prière. Nous allons continuer demain. Prions tous ensemble.